Deuxième tableau. Et voici notre jeune collègue, dit aimablement le père Soupe, que la brusque entrée de Lahrier venait d'éveiller en sursaut. Bonjour, bonjour, fit Lahrier. Du premier coup d'œil, il avait aperçu, bien mis en vue sur l'amoncellement des affaires à traiter qui noyait sa table de travail, un pli cacheté couleur vert d'eau, et il se hâtait, intrigué, goûtant à recevoir des lettres une anxiété délicieuse. D'un coup de doigt, sans prendre le temps de s'asseoir, il fit éclater l'enveloppe. Il lut. « Mon René chéri, ne va pas demain au ministère, je me suis faite libre, je t'irai voir. Reste de dos à m'attendre, je serai chez toi sur les 1 heure. Je t'embrasse les yeux, la bouche, la moustache et le bout du nez. Ta, ta, ta. » Tata, c'était Gabriel. Par quelles interventions de prodigieux avatars, de lentes transformations, de nuances insensibles, Gabriel peu à peu était devenu Tata, mystère, et éternel assoiffement de câlinerie des amoureux demeurés très enfants. Lahrier eut un geste désolé. Là, là, là, là, là, là, là, là, là. Tout de suite, le père Soupe intervint, sa curiosité naturelle éveillée. Légèrement, au-dessus de la galette de cuir qui le couronnait à rebours, il souleva son fond de culotte. « Une contrariété ?» demanda-t-il. Le père Soupe était un vieux à lunettes, de qui l'édentement peu à peu avait avalé les minces lèvres. Sur sa face luisante comme vernis, ses sourcils broussailleux débordaient en auvent, et des milliers de filets sanguins se jouaient sur la fraîcheur caduque de ses joues, y serpentait à fleur de peau avec le grouillement confus d'une potée de verre de vase. Stupide de cette stupidité hurlante qui exaspère à l'égal d'une insulte, il passait les 3/4 du temps à faire la sieste dans son fauteuil, le reste à ricaner tout seul sans que l'on puisse savoir pourquoi, à se frotter les mains, à pouffer bruyamment, la tête secouée des hochements approbatifs d'un petit gratteux content de vivre. Et quand Lahrier, crispé, l'interrogeait sur le mystère de cette gaieté intempestive, il ébauchait un geste vague, le geste de l'homme qui se comprend. Un lent aller-retour de ses doigts de squelette séchait ses yeux baignés de larmes, en sorte que c'était vraiment à prendre une trique et à taper dessus jusqu'à ce qu'il s'expliquât. Lequel des deux, de l'employé ou du bureau, était le fruit naturel de l'autre, sa sécrétion obligée, c'est ce qu'on eût pu préciser. Le fait est qu'ils se complétaient mutuellement, qu'ils se faisaient valoir par réciprocité, étant au même titre sordides et misérables. Les taches huileuses qu'ils se repassaient depuis des années semblaient les caractéristiques de leur étroite parenté. Et si l'un fleurait l'âcreté des paperasses empoussiérées, l'autre exhalait l'odeur atroce des vieux chastes, doucereuses et écœurantes, qui est comme le relent de leur virginité rancie. Certes, René Lahrier n'aimait guère le bureau, mais plus encore il exécrait le père Soupe, tenant sa société pour aggravation de peine. Il était de ces êtres tout nerfs, chez qui l'agacement a vite dégénéré en animosité haineuse. Soupe n'avait pas ouvert la bouche que déjà il l'assourdissait de ses rappels au silence, les poings clos, malade d'exaspération, devant même que les chandelles fussent allumées. La passivité épeurée du bonhomme l'excitant, il en était venu à ne plus voir en lui qu'une loque bureaucratique au long de laquelle volontiers il eût essuyé ses semelles. Il s'en était fait un joujou. Il se divertissait à la hurir d'injures, de scies empruntées au répertoire varié des rapins de la place Pigalle. Il scandalisait ses pudeurs, bouleversait de théories extravagantes sa foi aveugle de vieil ingénu, tant que le pauvre homme, parfois, aimait mieux lui céder la place, déserter son cher bureau et, jusqu'au soir, s'en aller traîner par les rues, désorienté, hébété, amputé de ses habitudes. Aussi bien ces petites scènes de famille ne tiraient-elles point à conséquence. Soupe avait courte la rancune, s'il avait l'irritation lente, et le soleil du lendemain le retrouvait fidèle au poste, rasséréné, rasé de frais, satisfait de lui et des autres. Entre les trous de sa cervelle, les mauvais souvenirs passaient sans laisser trace, comme passe de l'eau à travers un tamis. Lahrier, cependant, était demeuré debout, les mains aux hanches, questionnant une fente du plancher. Soudain, il leva la tête. Soupe, en effet, entêté à obtenir une réponse, insistait, le lardait tout vif d'une obsession de litanie. « Une contrariété, hein ? Oh, dites, hein, une contrariété, hein ? Dites, hein ? Dites, hein ? Dites, hein ? » Très calme, il demanda. « Oh, ça, vous n'avez pas bientôt fini de faire le phoque ? En voilà un vieux lavement. »« Comment, comment ? » dit le père Soupe. Il continua. « Mais évidemment, vous m'embêtez avec vos reins. Et puis d'abord, ce n'est pas votre affaire s'il m'arrive une contrariété. Est-ce que je vous demande la couleur de vos bas, moi ? Non, n'est-ce pas, alors ? De quoi vous mêlez-vous ? Vous êtes un goujat, mon cher. » « Un goujat ? » Au mot de goujat, les mâchoires entrouvertes du vieux se resserrèrent, puis se rentrouvrirent, puis se re-resserrèrent, encore une fois, secouées des tressautements d'agonie d'un râtelier qui se démandibule. Ses mains, un instant soulevées, en appelèrent au maître de tout. Il suffoquait, « S'il est permis, parler ainsi à un homme de mon âge. Oh, »« Homme de votre âge, fermez ça !» cria l'autre. « Fermez ça, aux paroles d'honneur, je jette quelque chose dedans, un encrier, une savate, la première chose venue qui me tombe sous la main. Vous m'agacez, homme de votre âge. Vous avez le don de me porter sur les nerfs, à un point que je ne saurais dire. Donc fichez-moi la paix, et que ça ne traîne pas. Je ne suis pas à la rigolade aujourd'hui, je vous en préviens. » Sec et digne. « Oh, ça se voit, » dit Soupe. Mais Lahrier, « Assez, assez, donc la levée est faite, je vous dis. » Et il changea le ton pour crier « C'est bon, oui !» au conciliant le tondu, lequel jetait l'apaisement à coups de pied dans la cloison. Soupe maté ne répliqua plus. Il dut se borner à épancher son fiel en un soliloque navré et imprécis. Lahrier, lui, s'était assis. Du stock des affaires en retard, il avait dégagé pour l'amener à soi le dossier du lait broute-sapin. Et il commença de l'expédier. « Monsieur le Président du Conseil d'État, j'ai l'honneur de signaler à la section de l'instruction publique et des beaux-arts l'intérêt tout particulier qui s'attacherait à ce qu'il soit statué dans le plus bref délai sur le lait fait par la dame veuve Broute-Sapin à la fabrique de l'église succursale d'Oiselle, consistant en une mort de Saint-Ménard, attribuée à Tiepolo, estimée 40 francs. Il avait une calligraphie à lui, une bâtarde fantaisiste, pétaradante d'enjolivement et d'arabesque, à la fois superbe et illisible. Et tandis que les pages noircissaient à vue d'œil sous le galop précipité de sa main, sa pensée aussi galopait, le ramenait à Gabriel qui décidément commençait à tenir dans sa vie une place un peu plus grande peut-être qu'il n'eût été à souhaiter. Il la revoyait telle qu'elle était, toute mignonne et casquée de clair. Point jolie, certes, mais à coup sûr bien plus que cela, avec son nez troussé d'une chiquenaude et son éternel sourire de petite parisienne bavarde et mauvaise langue. L'épaisse ligne de ses sourcils lui coupait en deux le visage d'une barre touffue et jalouse. Sous son menton, une ombre de potelé se formait, qui se noyait en l'ombre du col, s'allait perdre au diable vos verres en d'autres ombres plus épaisses. Brusquement, un coup de fouet le cingla, le sang lui monta au visage, car voici qu'il l'avait vu nu, que de ses mains, une fois encore, il l'avait tenu au bord du lit, ramené un mois en arrière au soir inoubliable de la première possession. Sous le flot des jupes retroussées dont il lui cachait la figure comme par jeu, il avait entendu ses cris effarouchés mêlés de rires étouffés et de défis. Il avait eu la folante vision des dessous tout à coup aperçus, des lingeries au cours des rubans bleu pâle, et des petits pieds qui battent l'air, et des petites mules qui les coiffent, et des longs, des très longs bas noirs, qui grimpent à l'assaut des jambes fines, escaladent les genoux, se faufilent sournois par l'étranglement des tuyautés. C'est ainsi qu'il l'avait conquise, en effet, après une courte comédie de défense à laquelle rien n'avait manqué. Ni avant les rodomontades d'une rouée qui joue la comine et fin de ne pas prendre les choses au sérieux, ni pendant les supplications, les appels au mari absent, les bras qui repoussent sans force, ni après les faux désespoirs, les grands mots, la scène des larmes qui ne veulent pas venir et de l'œil consterné qui contemple l'abîme avec une dernière langueur de jouissance sous les cils. « Crénom ! » fit-il à mi-voix. Il déposa sa plume, roula une cigarette, en chantant à se changer le cours des idées. À ce moment, « 3 heures !» annonça le père Soupe, qui avait les belles digestions des gens de conscience immaculée. « Oh, je vais aller faire mes petits besoins !» Abasourdi un instant, Larrier leva le nez et dit « Oh, voilà une heureuse nouvelle, d'un prodigieux intérêt !» Oui, en palpitant, en vérité. Vous devriez le téléphoner à toutes les cours étrangères. Et, enfin, soupe décidément, vous êtes donc plus bête à vous seul que tous les cochons de Cincinnati. À 7 heures, vous ne pouvez plus aller au lieu sans vous croire dans l'obligation de faire une préface. Bien sûr, une préface. Mais qu'est-ce que ça peut me faire que vous alliez au lieu? D'abord, vous saurez une chose. Quand on a reçu de l'éducation, on y va sans rien dire au lieu, ou alors on est un sale mufle. Mais si je veux y aller, moi, au lieu, riposta après un instant de silence, soupe dressée sur ses ergots, vous n'avez pas la prétention de m'empêcher de faire mes petits besoins et d'aller au lieu quand cela me plaît. Larrier, que l'agacement gagnait, reprit, mais je ne vous parle pas de ça. Vous ne me parlez pas de ça. « Non, je ne parle pas de ça. J'en serais ma foi bien fâché de vous empêcher d'aller au lieu. Et si même je souhaite quelque chose, c'est que vous y alliez domicile une fois pour toutes, que vous y passiez votre vie, que vous ne les quittiez jamais. J'aurais au moins le soulagement de ne plus voir votre sale tête. Je vous dis simplement ceci, que vous ne seriez point compromis pour aller au lieu comme tout le monde discrètement. » En homme bien élevé et sans proclamer, je vais aller faire mes petits besoins avec des airs de jeune espiègle. Il disait les choses sensées, mais la stupidité du père Soupe atteignait en folle surdité, en extravagante obstination, aux limites les plus reculées du chimérique et de l'irréel. A-t-on jamais vu, clama indignée cette vieille bête, un moutard? On lui presserait le nez, il en sortirait du lait. Qui voudrait m'empêcher d'aller au cabinet et de faire mes nécessités. » Laborier, que venait de mettre sur pied le contre-choc d'un double coup de poing violemment abattu parmi les paperasses de sa table, cria « Mais je ne vous parle pas de cela, encore une fois. Je vous dis et je vous répète que vous pouvez très bien aller au cabinet sans donner à cet événement l'importance d'un crime d'État. Mais... « Mais j'ai 64 ans, déclara le père Soupe, qui n'avait pas compris un mot. « Personne ne m'a jamais commandé. Et il faudrait, jour de Dieu, qu'arrivé à 64 ans, je rencontre un galopin pour se permettre de me donner des ordres. Soupe, et pour jeter les hauts cris quand je veux aller aux commodités et satisfaire mes petits besoins. » Oh, c'en était trop. Les ongles entrés en la table... telles des larmes aiguës de canif. Soupe, taisez-vous, hurla Larrier. Taisez-vous, soupe et cavalez. Disparaissez à l'instant même où je vous transforme en quelque chose. Oh, en quoi, je n'en sais rien. Mais je vous change. Oh, ça fait pas l'ombre d'un doute. Vous m'êtes odieux, entendez-vous. Votre vue m'est abominable et le seul son de votre voix suffirait à me faire tomber dans des attaques d'épilepsie. Oui. Très sérieusement, je vous le dis, ça a cessé d'être possible. Et je sens la minute prochaine où un miracle sera à la portée de ma main. Allez-vous-en, soupe ! Fichez le camp ! La sagesse même et la prudence vous le conseillent ici par ma bouche. Du coup, le père soupe eut le trac, les mains au ciel. Quel homme ! Fit-il. Ce fut tout. Il gagna la porte et disparut. Et Larrier, une minute plus tard, séchait encore sur ses tempes l'exaspération qui y perlait en sueur quand il s'épanouit brusquement. Ses 25 ans, à vrai dire, avaient épargné sa gaminerie naturelle. Il avait gardé du bébé le bon rire, la mobilité d'esprit antonière, l'oubli facile des petits embêtements de la vie. Depuis longtemps, il mijotait en soi, à l'attention du père Soupe, le plan d'une blague gigantesque, et devant l'occasion qui se présentait de la placer, tout s'effaça. Il n'y eut plus rien que l'agréable perspective de faire mousser le vieil expéditionnaire et de déchaîner ses fureurs indignées. Le temps pressait, et il se hâta. Le visage barbouillé d'une couche de craie, le nez entièrement habillé d'une carapace de pain à cacheter écarlate, ses cheveux qu'il portait longs, ramenés par là-dessus à coups de pisse-broste et tombant en mèches éplorées sur des yeux qui se mouvaient blancs entre les retroussis affreux de deux sanguinolentes paupières, il vint s'accroupir près de la porte, de façon que Soupe, à son retour, resta cloué d'épouvante sur le seuil au vu de cette face de vampire. Celui-ci déjà appliquait. On entendait le grossissement de son pas lentement traînaillé par les dalles du couloir. L'arrié, jouissant, attendait. La porte enfin s'entrebâilla. Une tête passa, un masque embroussaillé de barbe. Je vous demande pardon, monsieur, pour s'en aller. C'était le conservateur du musée de Vannes-en-Bresse. Ce pauvre homme, qui ne trouvait plus la sortie, l'allait quêtant de porte en porte. Successivement, il avait pénétré chez le commis d'ordre Guitard, au même moment où cet ingénieux employé rafistolait son soulier avec un morceau de ficelle. Puis chez Van der Hogen, dont il n'avait vu que des jambes perchées au faîte d'une échelle. Toute la partie supérieure du sous-chef disparut au fond d'un placard. Puis chez Letondu, qu'il avait surpris presque à poil, en train de faire des tours de force avec le panier à bois. Si bien que maintenant, habitué déjà, il contemplait sans trop de stupeur ce nouvel et extraordinaire aperçu d'un titulaire officiel dans l'exercice de ses fonctions. Il fut charmant, au demeurant, confus d'être si mal tombé. « Oh, combien je regrette vraiment, oh, je ne sais comment me faire excuser. Je trouve là une plaisanterie qui promettait d'être excellente. » Au fond, il cachait sa surprise, s'étant fait en son trou de province une idée autre des grandes administrations. Ce fut entre l'arrière et lui un vrai tournoi de courtoisie. Également empressés à repousser les protestations l'un de l'autre, ils se défendaient avec une même chaleur, avec ce même geste de la main qui refuse et se déclare indigne. « Oh, je vous prie de croire, monsieur, que si j'eusse pu supposer... »« Oh, mais du tout, monsieur, c'est moi qui vous demande pardon. »« Ah, oh, permettez, les regrets sont pour moi, monsieur. La faute en est à ces diables de corridor. On se perd, on se perd. » La rentrée en scène du père Soupe mit fin à cette lutte exquise. Et à lui, naturellement, revint le précieux avantage de payer les pots cassés. L'arrié, un coup qu'ils se trouvèrent seuls, le traita si rudement de vieille rosse, en lui mettant le poing sous le nez, qu'il en demeura assommé, et les yeux comme des noix, et la bouche en jeu de tonneau. Rendu à sa mauvaise humeur, le jeune homme se claustra en un farouche mutisme. Toute la journée, il fut inquiet, fiévreux, avec la hâte d'être au lendemain. D'une mollesse d'enfant, incapable d'une résolution, il avait adopté ce modus vivendi qui consiste à se laisser aller au petit bonheur de l'existence et à s'en remettre au bon Dieu, du soin de trancher les questions dès l'instant qu'elles se présentent avec quelques nuances d'embarras. Vainement, l'ami Chavarax, qui lui vint emprunter une pincée de tabac, s'efforça-t-il de l'égayer. Il commença par n'en point tirer 20 paroles. Tout de même, lorsqu'il eut, fine bouche, flairé vaguement le dessous des cartes et ruminé entre ses dents, « Il y a du laourmerie là-dessous. » L'arrié, stupéfait de tant de clairvoyance, dut confesser qu'il en était ainsi et raconter en substance son entrevue avec le chef. Chavarax, qui la connaissait en détail, par Ovide, le garçon de bureau, auquel il allongeait 20 sous de temps à autre pour aller écouter aux portes et lui venir répéter ensuite les petits potins intimes de la maison, n'en triompha pas moins bruyamment. « J'en étais sûr, j'en étais sûr !» Puis, « C'est pour ça !» il s'esclava. « Vous avez de la bonté de reste, vous encore. C'est à cause de cet imbécile que vous vous faites du mauvais sang ?»« Eh, Filarier, vous êtes charmant. Ma maîtresse me donne rendez-vous pour demain. Eh bien, c'est bien simple, allez-y. Oui, mais si le chef me joue le tour de provoquer ma révocation, il en est bien capable, au fond. Il est très monté contre moi. Lui ? » Chavarax pouffa de rire. « Est-ce que vous êtes fou ? Mais depuis quand donc, s'il vous plaît, révoque-t-on des fonctionnaires de l'État parce qu'ils ont séché le bazar ? Ce serait assez rigolo qu'on ne puisse plus tomber malade. Pourtant, me laissez-moi donc tranquille. Les femmes sont susceptibles, voilà ce qu'il ne faut pas oublier. Vous serez bien avancé. Le jour où vous aurez blessé votre maîtresse, pour le plus grand plaisir de votre chef de bureau. » Ironique et paternelle. « Nigaud, coucherez-vous avec lui quand vous ne coucherez plus avec elle ?»« Non, dit Larrier. Eh bien alors, oh là là, à votre place, c'est moi qui n'hésiterai pas. » Il n'hésitait jamais à la place des autres. C'était un très gentil garçon duquel il se fallait méfier, l'homme de la peste. Non qu'il fichât les gens dedans, grand Dieu. Il les y déposait, voilà tout, délicatement et sans douleur, après les avoir pris entre le pouce et l'index. Et quand ils se trouvaient par terre, le derrière entre deux selles, il leur portait les condoléances. Sa perfidie délicieuse et pleine d'ingéniosité empoisonnait, sans laisser trace, présentait le sourire aux lèvres ainsi qu'il en eût fait d'une fleur. Il ne comptait d'ailleurs que des amitiés, tant il avait la grâce aimable mêlée de cette pointe de brusquerie qui détermine la confiance. Il poursuivit. « Mais je serais trop bête de se gêner avec l'administration pour ce qu'il y a à attendre d'elle. Quand je pense que je lui ai tout sacrifié, une situation de 36 000 francs au Caire et tout dernièrement un mariage fabuleux, oui mon cher, fabuleux, inouï, avec le million à la clé. J'ai refusé parce que cette alliance, conclue avec une des plus grandes familles de France, c'était un démenti donné à toute ma vie, un soufflet appliqué à mes convictions si ardemment républicaines. Voilà ce que j'ai fait, moi. Et pour en arriver à quoi, je vous le demande, à piétiner sur place dans l'attente du poste de sous-chef qui m'est promis depuis 2 ans. Je sais, se hâta de dire Larrier, qui en était à sa 1000e audition des sacrifices de Chavarax. Avide d'en éviter une nouvelle ressucée, il aiguilla droitement, en revint à ses moutons. Son envie de lâcher la boîte le lendemain, mitigée de sa crainte des complications s'il donnait suite à son projet. Sa nature hésitante d'oiseau balançait. Il gagnait de l'énervement à peser le pour et le contre sans trouver l'énergie d'une détermination. Il finit par s'en prendre à la pile de dossiers élevée devant lui en forteresse, si haute qu'elle lui masquait le bas de face du père soupe assis à l'autre extrémité de la table commune. La plume en l'air, l'œil assombri. « En voilà-t-y de l'arriéré, en voilà-t-y de l'arriéré !» Et la colère brusquement le conquit. Et aux approbations bruyantes de Chavarax, répétant « Eh, eh, oui, eh, sans doute !»« Oh, zut, zut » cria-t-il, « il y en a trop, je ne pourrai jamais en sortir. Je vais repasser tout ça à Saint-Homme. » L'expéditionnaire Saint-Homme du bureau des fondations était un maigre personnage de qui le maladif visage, éternellement en moiteur, avait l'humidité jaune claire des pommes de terre crues fraîchement pelées. Entre les accros d'un veston encaustiqué ainsi qu'un meuble, sur les vastes glacis duquel on aurait aimé s'élancer, couvert d'épaisses fourrures et les pieds chaussés de patins, il dissimulait tant bien que mal l'attristante infamie de ses dessous, cette misère du linge qui, bon gré mal gré, tient à déclarer qu'elle est là, se révèle et s'affirme quand même, en manchette craquelée de gerçures, en faux col chevauché, ses cravates sans nom, que seule semble avoir décidé à n'être point cordon de soulier une susceptibilité bête. Rue de l'Exposition, à Grenelle, grouillait autour de ce malheureux une ribambelle de mal fichus, une fillette mi-aveugle, un crapaud de 5 ans éclopé qui consolidait de béquilles son rachitisme précoce, un dernier-né encore au sein, dont le village couvert de saints doux promettait, et une femme coiffée à la Vierge, qui était devenue aphone pour avoir disputé trop de pièces de dessous à la propreté des harangères. Et de quoi vivaient ces gens? Problème. De bouillon arraché les uns après les autres à d'inépuisables pots au feu. Sans doute aussi de ces choux équivoques dont les abominables relents puantaient avec une obstination digne d'éloge le palier de leur 5e étage. N'importe, au milieu de cette détresse, saint homme, les rares moments où il n'était pas au bureau, baladait sa morne figure imperturbablement sereine. Son importance de personnage chargé d'une mission officielle et les rides multiples d'un front qu'avait ravagé à la longue le sourd travail des hantises opiniâtres. Car cette âme avait son secret, cette vie avait son mystère. L'ambition, depuis des années, qui lui pesait comme des siècles, caressée par cet imbécile, de se voir élever un jour à la dignité d'officier d'académie. Et en son assoiffement d'honneur exaspéré de déception, sous le coup du labeur incessant d'une idée fixe tournée à la monomanie, il en était venu à cette extrémité. Considérer le genre humain comme une grande famille unie, que seulement divisait le mixte terrain de ses palmes. D'où pour lui deux groupes bien distincts. Le groupe ami, exclusivement préoccupé de les lui faire obtenir, et le groupe adverse, tout au souci de discréditer ses mérites et de compromettre ainsi ses chances à la distinction flatteuse qu'il convoitait. Des 30 employés, ses collègues, pas un bien entendu qui n'eut son petit classement côté cour ou côté jardin. Mais surtout lui apparaissait considérable le portier de la direction. Oh, ce sous-ordre! Saint homme n'en osait regarder qu'avec une respectueuse terreur le masque de sournois gorille, le petit crâne aux tempes dévastées dont se dissimulait l'essaim d'obscures pensées sous la feinte bonhomie d'une casquette trop large. Oui, formidable, car douteux, tel se révélait à ses yeux ce concierge appelé Boudin. Disons tout, un fréquent cauchemar, familier de ses nuits tourmentées, le lui montrait, enveloppé jusqu'aux cils d'un manteau couleur de muraille, volant à de mystérieux rendez-vous, le venait bientôt retrouver le directeur des dons et laits. Des enfoncements de cul-de-sac déserts abritaient ses entrevues. Le maître et le valet s'y abordaient avec des airs de conspirateurs, et durant des heures entières, à la faveur des ombres de la nuit, ils s'entretenaient à voix basse de questions et entrées à l'administration. Celui-là recueillant des lèvres de celui-ci tous les renseignements de nature à éclairer sa religion sur le compte de ses employés, leurs heures d'arrivée à la direction, leur hâte à en partir le soir, leur tenue dans la rue Vanneau, le nombre de camarades mâles et femelles qui leur venaient faire visite, la quantité de bouteilles de bière qu'ils se faisaient monter les jours de grande chaleur, etc., etc. Tant et si bien que l'obsession de son rêve ayant petit à petit empiété jusque sur ses veilles, saint homme en était arrivé à fournir des 10 et 11 heures de présence où les autres en fournissaient 4, et à rayer de ses papiers tout ce qui de loin ou de près pouvait ressembler à un congé. Plus de vacances réglementaires de lundi de Pâques, de 1er de l'an, de 14 juillet ou de vendredi saint. Le petit boiteux fut venu à claquer qu'il l'eût même fait mettre en terre à l'aube, de façon à pouvoir encore être au travail avant tout le monde. Il venait au bureau le dimanche, et comme le concierge, ce jour-là, mettait à profit ses loisirs pour aller prendre le vermouth avec des cochers du quartier, il lui arrivait de l'attendre des heures sous le porche glacial de l'immeuble, payé de sa peine si à son retour, le pipelet le saluait d'un air flatteur. Ah, ah, quel bûcheur, ce monsieur Saint-Homme! C'est donc comme ça que vous êtes tout le temps sur la brèche! Il lui donnait sa clé. Voilà! Merci, Boudin, disait Saint-Homme. Et par le vide de l'escalier, il s'élançait à la conquête de ses palmes. Jusqu'au soir, seul en son bureau, il abattait de l'expédition au milieu d'un silence si grand qu'il en avait par instant aux oreilles le bourdonnement de gros coquillages, s'interrompant de temps en temps pour étirer sa lassitude et jeter un coup d'œil par la fenêtre ouverte à cet azur des dimanches parisiens qui évoque les longues promenades au bord de l'eau, les haltes sous les tonnelles, les paresses et les vagues sommeils sur les herbes rôties des fortifications. Cela avait amené ceci, une exploitation en règle de ce délire vaniteux et de la part du directeur, qu'il entretenait jalousement mais se gardait bien d'y satisfaire, un homme persécuté de revendications criardes, éternellement tiraillé entre ses bonnes intentions et l'impossibilité de les réaliser faute de capitaux suffisants, et de la part des employés qui, très bien, se soulageaient sur lui du surcroît de leur besogne en lui disant « Faites donc ça !» avec des airs sous-entendus de messieurs qui ont le bras long. Lahrier, surtout en jouet, c'était plaisir de voir ça. Cette fois, ce fut un délice. Chassant d'une poussée de l'épaule la porte de la pièce où travaillait Saint-Homme, la face en sueur, les coudes en travers de la table. « Hé, Saint-Homme, bonjour !»« Tiens, c'est vous ?»« Oui, avec du neuf, mon cher !» Il avait forgé une histoire admirable, un fourbi de secrètes accointances, avec un mystérieux monsieur que sa discrétion naturelle lui interdisait de citer, mais qui, très haut placé dans la bonne grâce présidentielle, se met à son bon plaisir des mannes de ruban violet. En sorte que depuis 2 ans, il cultivait en les alimentant les convoitises de son collègue, ayant toujours à la disposition de cette brute des piles de dossiers amassés et les cliquetis argentins de palmes académiques. À la révélation qu'il y avait du neuf, Saint-Homme se roidit contre une défaillance. Mais quelle que fût sa volonté à masquer pudiquement son trouble, un hoquet d'émotion coupa en 2 morceaux le « Entrez donc !» qu'il jetait à l'arrière. Celui-ci, dont on voyait juste la figure et le haut de l'épaule engagés dans l'entrebâillement de la porte, se faisait fort tirer l'oreille. Il jouait le monsieur débordé de besogne qui repassera une autre fois, n'ayant pas le temps de flâner. Enfin, sur de nouvelles instances, il dit qu'il voulait bien entrer une seconde. « Une seconde, mon vieux, pas plus, parce que vous savez, j'ai affaire. »« Eh oui, eh oui !» Il entra donc, pliant sous le poids des dossiers qu'il maintenait de son bras sur sa hanche et dont il se hâta de caler à la moleskine d'une chaise la pile énorme et vacillante. Mais déjà Saint-Homme s'en était emparé, et pendant que l'autre bon apôtre mimait la stupéfaction, interrogeait l'air bête, « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Il allait l'enfouir sans mot dire en les enfoncements d'un placard qu'ensuite il refermait à clé. « Ne vous inquiétez pas. Comment ? Mais laissez donc, je vous dis laissez donc. Puis, vous pouvez bien me permettre de vous donner un coup de main. » Alors, Lahrier fut grandiose. Hautement, il se récria. Il se plaignit que ce fût toujours la même histoire et déplora amèrement la sottise dont il témoignait en se laissant tout le temps pincer. Il finit par élever la voix et par exiger ses dossiers. Saint-Homme dut faire valoir des droits. Affectueux et ferme, tout ensemble, il le sait que « Permettez !» devant lequel on n'a plus qu'à baisser pavillon. En même temps, de ses doigts ouverts sur le geste avancé de Lahrier, il faisait taire les discrétions absurdes opposait une digue infranchissable au flux des généreuses fougues. Oh, je sais ce que je vous dois, je le sais, et plus un mot, hein, il suffit. Oh, mais que vous me contrariez, dit Lahrier. Sur quoi ? Sans transition. Ça marche, votre affaire ? Oui, questionna le pâle saint homme. Tout à fait, mais pas tout à fait. Enfin, j'ai vu notre homme hier soir. Eh bien, l'affaire est dans le sac. Et il a longuement parlé de vous au président de la République, qui s'est montré fort attentif et aussi bien intentionné que possible à votre égard. Ce sera pour le 14 juillet. Sûr ? Ou pour le 1er janvier, mais pour cette année, enfin, ou l'autre. C'est imminent, en tout cas. Il parlait, et les yeux de saint homme flambaient verts, tels les yeux en bouchon de carafe de ces gigantesques poupées qu'animoquille le ventriloque, cependant qu'à Grenelle, rue de l'Exposition. « Quand on pense, criait la femme devant le vide sinistre du buffet, quand on pense que depuis 7 ans, on ne l'a pas augmenté d'un sou, 200 francs seulement, mon Dieu, une augmentation de 200 francs, et ce serait le loyer payé !»